à la radio. Salut, c'est Cataluna. Le matin, quand je me réveille, je ne couche jamais. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. On va appeler à Esneux pour vérifier ce qu'ils aiment comme musique. Voilà, allons-y. Allez, c'est parti, on y va. On appelle direction Esneux pour vérifier le sondage. Allez. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, allô, oui. Oui, bonjour, voilà, en fait je vous appelle parce que je réalise un petit sondage. Un sondage à 6h du matin. Voilà, tout à fait. Et en fait je voulais savoir quelle était votre chanson préférée pour faire l'amour. Écoutez, on ne plaisante pas à 6h du matin, merci. Hein. On ne plaisante pas à 6h. Mais est-ce qu'à 6h55 on peut plaisanter? C'est ça la question. Moi je pense. Donc on va le rappeler. Très objectivement. Je pense aussi, hein. C'est parti, on y retourne. Voilà. Allez. Oui, allô. Oui, ah. Excusez-moi, mais je ne plaisante pas, monsieur. Qui êtes-vous d'abord? Je suis Toff, monsieur. Vous êtes quoi? Toff. Toff, oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Bah, je suis heureux que ça ne vous étonne pas. Maintenant, vous pouvez répondre à ma question. Non, et d'où téléphonez-vous comme ça? De Bruxelles. C'est une émission La caméra cachée ou... Oui, ah, non, pas du tout, monsieur. C'est juste pour savoir quelle est votre chanson préférée pour faire l'amour. Ben, je ne fais plus l'amour, je suis trop vieux. Oh. Oui, mais à l'époque où vous le faisiez, vous aviez bien une chanson que vous aimiez bien. Ah oui. Ah, et qu'est-ce que c'était cette chanson? C'était Procolarum, à Roi du Shadow Fell. Ah bah écoutez, très bien monsieur, c'est un très bon choix. Ça va? Mais bah, il y a bien longtemps. Ah hein. Oh, bah écoutez, pour avoir choisi ce titre-là, il faut effectivement que ça soit il y a bien longtemps. Voilà. Très bien, bah écoutez, je vous remercie monsieur. Je vous en prie monsieur. Une bonne journée. Oui. Très cordial à SNE. Mais ouais. Tu as vu, vois, à 6h on l'a fait chier, à 6h55 ça va mieux. Hein. C'est un très beau slow qu'il a choisi. Procolarum, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est beau. Il y a des chansons sur lesquelles tu fais l'amour. Non, pas la chanson. C'est pas mal, non? Au moins pour se chauffer avec les petites bougies autour. Oui, ça peut-être pour se chauffer, ouais, d'accord. Ouais. Hein? Oh là là! Ah, c'est beau! Dans un bain, c'est des pétales de rose. C'est une de mes chansons préférées. C'est vrai? Ouais. Oh. Un de mes slows préférés. Oh. On danse? C'est bon à savoir, oui, on danse, c'est ouais, c'est ça. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's a morning time affair. Shut it. Mickaël. Fun. À la radio. Fun radio. Yeah. Bon, Didier, t'appelles de Couillet, toi, t'es chauffeur de taxi, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, et on va jouer maintenant au... Le Free Code Game. Le Free Code Game, donc, c'est pour gagner un écran plat, une tablette, un smartphone, des maillots de foot, des iPods, des compiles, des places de ciné. Tout dépend, évidemment, de ce que tu choisis comme série de questions. Il y a le petit paquet pour, par exemple, gagner une compile, mais question facile. Il y a le grand paquet pour gagner, par exemple, des places de ciné, donc question un peu plus compliquée. Le Do Room pour les maillots de foot ou pour les iPods, c'est donc un peu plus compliqué encore. Et enfin, Mitraillette pour gagner les écrans plats, les tablettes ou les smartphones. Didier, que choisis-tu comme série de questions? La mitraillette. Ouais, oui, tu es un gourmand. Et encore un plus qui n'a peur de rien. Didier a très faim. Bon, Didier, on y va. Je vais te poser 5 questions. Tu réponds correctement à 3 sur 5 minimum et c'est gagné, d'accord? Pas de souci. Bon, allez, c'est parti, on y va. Quel groupe était formé de George Michael et Andrew Ridgeley? Je ne sais pas. Oh, tu vois pas? Je ne vois pas, je l'ai pas en tête. Bon, c'était Wham. Ah oui. Oh, c'est pas grave. Wake me up before you go, etc. Quoi. Bon, Didier, ça commence mal, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. De quelle nationalité est le chanteur Justin Bieber? Canadien. Eh oui, bonne réponse. Yes. Qui chante la boulette? Enfin, qui chantait la boulette? Oh là là. C'est pas pourquoi elle. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Non, je vous dis rien. Alors, tu vois pas Didier? Ouais, c'est la gonzesse là. Oh, ouais, c'est la gonzesse, mais elle a un nom, la gonzesse, non? Ouais. Tu vois pas, c'est Diams. Oui, Diams. Eh oui, c'est pas grave. Qui a créé le magazine Podium? Claude François. Claude François, bonne réponse. Et enfin, à quel hôtel allaient les Eagles? À quel hôtel allaient les Eagles? Ouais. Babylonien. Et non, malheureusement, non. California. California. Eh oui. California. Eh ben, ça ne fait que 2 sur 5, malheureusement. Et pourtant, franchement, c'était une question pas mitraillette la dernière. Elle était facile. C'était plus ou moins facile. Elle était facile. Bon, bah, Didier, malheureusement, que 2 sur 5, c'est perdu. Tant pis. Pourtant, t'as répondu sur les deux plus compliqués, hein, Claude François et Canadienne, c'était pas mal. Hein. Et les autres, malheureusement, un échec total. Bon, bah tant pis, Didier, ça arrive même au meilleur, la preuve. Mais je vais immédiatement voir l'hôtel babylonien. Ça a l'air sympa. Bon, mais passe une bonne journée, Didier, en tout cas, l'écoute de Fun, et puis tu reviens quand tu veux. Ok, pas de soucis. Bonne Allez. Journée également. Merci, à bientôt, salut. Didier. Salut, salut, ciao. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Et nous allons jouer maintenant donc avec Jonathan qui est avec nous. Salut Jonathan. Salut. Bonjour, comment ça va Jonathan? Bien, bien. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Une petite voix Jonathan. Mais oui Jonathan, tu as l'air bien jeune toi, quel âge tu as? 13 ans. 13 ans, d'accord, ok. Et tu es dans quelle ville Jonathan? Limal près de Wavre. D'accord, ok, 105.5 pour écouter Fun dans le coin. Jonathan, on va jouer au serez-vous plus intelligent qu'une Miss. Pour gagner un iPod ou un maillot de foot, tu choisirais quoi si tu gagnes? L'iPod. L'iPod, d'accord, ok, très bien. Pas fan de foot? Non, pas non. trop. Mais allez, le Portugal quand même. Évidemment. En même temps, le maillot de foot, tu l'utilises vraiment pendant l'Euro et après tu le ranges au placard. Ah non, les vrais footeux, ils l'utilisent tout le temps. Hein. Bon, et quand tu vas t'entraîner, toi, Julie, tu mets quoi? Bah ouais, ah, c'est ça, voilà. Bon, Jonathan, je vais te poser 5 questions. Tu fais 5 sur 5, tu gagnes l'iPod en l'occurrence, puisque c'est ce que tu as choisi. 4 sur 5, des places de ciné et en dessous de ça, tu retournes chez ta mère les mains vides. D'accord? Ça va, ça va. Allez, c'est parti, allez, on y va, Jonathan. Qui a inventé, pardon, Adolf Sachs? Ouf, bah, je sais pas. Mais si, vas-y, dis au hasard, Adolf Sachs. Bah oui, saxophone. Ah bah voilà. Bon, bien. Question suivante. Quel rappeur belge se vante d'avoir un père commissaire? Ah oui. Soprano? Ah non, pas Soprano, il est français. Il vient de Marseille. Il vient pas de Belgique. James Dino, qui formait le trio du groupe le trio du groupe Benny B? Là, t'es un peu jeune évidemment pour ça, c'est mais pas bon. Facile. Essaye toujours. J'en ai retrouvé 2 sur 3 moi perso. Ouais, il y avait Dédiqué, Perfect et Benny B. Voilà, moi, tout simplement. Dédiqué et Benny B. Bah ouais. Quelle chanson a permis à la Belgique de gagner l'Eurovision? Il y a longtemps. Hein. Quand même facile ça. Oh là là. Allô, Jonathan. Tu vois pas? Allô. J'aime la vie, Sandra Kim. J'aime la vie, même si c'était de la merde. Non, elle disait pas ça, non. Ah bon? Ah pardon. Bah alors, dis. Et dernière question, complète le nom de ce groupe liégeois, les Gaufres. Les quoi? Donc c'est complète le nom du groupe, les Gaufres. Et puis? Au sucre. Eh ben, au sucre. Eh ben voilà. C'est pas question plein, mais. Bah, ça fait surtout que 2 sur 5, malheureusement. Pas assez pour gagner, mais assez pour retourner chez ta mère les mains vides. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà bien. Bon, bah, passe une bonne journée, Jonathan, quand même. Ouais. À bientôt. Salut. Salut, ciao. Salut. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins. Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Faire la journée internationale de Pierre. Maintenant, journée internationale. Vous connaissez le principe, il y a des journées internationales de tout et n'importe quoi chaque jour. Et puis là, Pierre a décidé de faire la journée internationale des des psychopathes. Voilà, je n'en dis pas plus. Journée internationale des psychopathes, c'est maintenant sur Fun Radio. Allô, oui. Est-ce que c'est mal si je vous lèche le doigt? Oui. Est-ce que c'est mal si je vous lèche les aisselles? Oui. Est-ce que c'est mal si je vous lèche le nez? Oui. Est-ce que c'est mal si je vous lèche les oreilles? Oui. Est-ce que c'est mal si je vous lèche le cou? Oui. Est-ce que c'est mal si je vous lèche le tibia? Oui. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire alors? Rien du tout. Oh bah non, vous êtes pas drôle hein. Ah bah rien du tout. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui? C'est mal si je dis que j'ai envie de vous? S'il vous plaît. C'est mal si je dis que j'ai envie de vous? Ah oui, non, c'est pas mal. Et vous passez mes mains dans les cheveux? Non, non. Vous sentir votre chevelure? Oui, non. Et vous faire plein de bisous sur le crâne? Ça va aussi. Et vous faire des bisous sur les seins? Ah, si vous voulez. Et au milieu du ventre? Comme vous voulez. Vous lécher les pieds? Ah, si vous aimez bien le fromage? Non, pas trop. Et vous faire des bisous sur les fesses? Allez, encore un peu plus. Et je peux vous faire un bisou, au moins un seul, mais dans les fesses? Oh. C'est mal? Allez, au revoir. C'est jamais mal quand on se fait du bien. Voilà, journée internationale donc des psychopathes avec Pierre à l'instant. C'est ça, psychopathe, voilà. Ouais. 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio.